بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 13 dans l'explication du livre de Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, حفظه الله تعالى, le charh de Sahih al-Bukhari, le chapitre de Al-I'tisam bil-Kitab wa-Sunnah, dans le livre qui s'intitule Bahjatul Qari. Et on est arrivé aujourd'hui au hadith numéro 12 dans les hadiths que le cheikh a choisi dans ce chapitre. Et c'est le dernier hadith du livre. Inch'Allah, c'est un hadith qui est très bénéfique, très important, qui touche à plusieurs questions qui ont rapport avec les règles de la charia et qui est très, très bénéfique yani, par rapport à la compréhension qu'il y a dans ce hadith. Parce que sa compréhension s'applique à plusieurs points et touche à beaucoup de choses. Donc on va lire ensemble, Inch'Allah, le hadith. Donc l'imam al-Bukhari, il dit « Haddathana Ismail, haddathani Malik, an Abi Zunad, an al-A'raj, an Abi Huraira, an Abi Huraira, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال « Da'ouni ma taraktukum » إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. Donc ce hadith, l'imam al-Bukhari il l'a rapporté de Ismail, qui lui-même l'a mentionné de l'imam Malik, selon Abi Zunad, selon Al-A'raj, selon le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Huraira, radiyallahu anhu, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, laissez-moi tant que je vous laisse. Hein, laissez-moi tant que je vous laisse, parce que ceux qui étaient avant vous ont uniquement péri à cause de leurs questions, hein, de leurs questionnements et de leurs divergences avec leurs prophètes. Donc leurs questions incessantes et leurs divergences avec leurs prophètes. Et lorsque je vous interdis quelque chose, écartez-vous-en. Et lorsque je vous ordonne quelque chose, alors faites-en ce que vous en êtes, ce que vous êtes capable. Faites-en ce que vous êtes capable. Donc c'est un hadith très important, comme j'ai dit, et on va lire l'explication. Premièrement, Cheikh Rabi' hafizahullah, il dit Ismail, Cheikh al-Bukhari, wa huwa ibn Abi Uwais al-Asbahi, min usrati Malik. Donc, premièrement, le premier narrateur, celui qui est parmi les, justement, les shuyukh de l'imam al-Bukhari, c'est Ismail. Il s'appelle Ismail. Et Ismail, son nom au complet, c'est Ismail ibn Abi Uwais al-Asbahi. Donc, Ismail, c'est ibn Abi Uwais al-Asbahi et il fait partie de la famille de Malik. Il fait partie de la famille de l'imam Malik. Il dit « Haddathana Malik hein? ». Donc, il dit « Haddathani Malik », c'est-à-dire « L'imam Malik m'a rapporté ». Donc, l'imam Malik, c'est l'imam al-Shahir. Hein? Il dit « وهو الإمام الشهير مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة. Donc l'imam, c'est l'imam qui est célèbre, Malik ibn Anas al-Asbahi. Imam dar al-Hijra, c'est-à-dire l'imam de la ville de Médine, qui est le lieu de la Hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on appelle l'imam Malik imam dar al-Hijra parce que il a vécu toute sa vie à Médine. Et c'était l'imam de Médine à son époque. Ensuite, il dit An Abi Zunad, wa huwa Abdullah ibn Zakwan, wa huwa imam. Donc, Abu Zunad, ça c'est sa kunya, et on le mentionne souvent dans les chaînes de transmission des hadiths avec sa kunya, Abu Zunad. Son nom c'est Abdullah ibn Zakwan. Abdullah ibn Zakwan, et il est un imam. Hein, il fait partie des imams de l'islam dans la science. Selon Al-A'raj, Et Al-A'raj, son nom c'est Abdurrahman ibn Hurmuz, min al-A'imma. Hein? Donc Abdurrahman ibn Hurmuz, min al-A'imma, il fait partie des imams lui aussi, Al-A'raj. Et il est tellement célèbre hein, par rapport à ça justement qu'on l'appelle par ce surnom, Al-A'raj. Al-A'raj, yani c'est quelqu'un qui est, yani qui a un handicap. Hein? Et il était célèbre par rapport à justement cet handicap-là. Donc on l'appelait par ce nom-là. Quand on disait Al-A'raj, eh bien, ça, on comprenait qu'on parlait de Abdurrahman ibn Hurmuz. Oui, c'est ça. Al-A'raj, c'est le boiteux. Le boiteux, yani. Subhanallah. Donc, ça, c'est son surnom. Donc, Al-A'raj, son nom, c'est Abdurrahman ibn Hurmuz. Il fait partie des imams. Et il dit, selon Abi Huraira, عن Abi Huraira, radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم, قال, دعوني ما تركتكم. يعني, ذكروا أسبابا لهذا الحديث. من أوضحها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, كما في صحيح مسلم, أيها الناس, قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل, أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه وهو لا يقول ذلك من عنده وإنما يقوله من عند الله عز وجل فهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة وتربيته على له وتربيته لها على الآداب والأخلاق العالية وتربيته لها على اجتناب ما يضر بها وما يلحق بها المشقة. Donc ici, le cheikh, il explique que Abu Huraira, radiallahu anhu, il a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit hein, « Laissez-moi tant que je vous laisse. Hein, » Et on a mentionné plusieurs explications par rapport au contexte de ce hadith et la cause de ou l'occasion qui a été à la cause de ce hadith, c'est-à-dire l'histoire qui est dans le contexte du hadith. Et parmi l'explication qui est la plus claire à ce sujet-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih, il dit qu'il s'est adressé aux gens en disant « Ô vous les hommes, Allah vous a ordonné de faire le hajj, alors faites le hajj. » Alors un homme s'est levé, il a dit, ou bien un homme a dit « Est-ce que c'est chaque année, ô messager d'Allah ?» Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté silencieux, n'a pas répondu. Puis l'homme a répété la question trois fois. Donc il insiste en plus. Hein, il dit, est-ce que c'est chaque année, ô messager d'Allah, qu'on doit faire le hajj? Est-ce que c'est chaque année que c'est obligatoire pour nous de faire le hajj, ô messager d'Allah? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, finalement, il a répondu en disant, et si j'avais dit oui, ça deviendrait obligatoire. Et vous ne seriez pas capable de le faire. Et ensuite, il a dit, donc, tant que je vous laisse, hein, tant que je ne vous dis pas quelque chose, alors laissez-la faire. Hein? Parce que les gens qui étaient avant vous ont uniquement péri à cause de leurs nombreuses questions et de leurs divergences avec leurs prophètes. Donc, si je vous ordonne quelque chose, faites-le ce que vous êtes capable, faites-en ce que vous êtes capable, et si je vous interdis quelque chose, alors laissez-le. Et ça, c'est la version de Muslim selon Abi Huraira. Donc, le cheikh, il explique ici, cheikh Rabi' Hafizahullah, il dit, et ici, il ne dit pas cela de lui-même. C'est-à-dire, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas cela de lui-même ici, mais il parle, bien entendu, de ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lui révèle. Et il dit que ça fait partie même de la miséricorde. hein, du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, envers cette umma et de son éducation pour la umma. Hein, c'est-à-dire que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il éduque la umma à adopter le bon comportement. Il enseigne à la umma le bon comportement, les bonnes manières, hein, les mœurs, les meilleures mœurs. Et yani, les caractéristiques les plus importantes et les plus élevées, hein, en comportement. Et donc ça fait partie de l'éducation du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui donc a éduqué la umma à ce que les musulmans délaissent et s'écartent de tout ce qui est nuisible, hein, et dans le but que il soit justement éloigné de toute difficulté ou de toute gêne, de toute chose compliquée pour eux. Ensuite, le cheikh, il dit, « Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, da'ouni ma taraktukum. Ya'ni, iza amartukum bi shay'in fa'amalu bihi. Wa iza nahaytukum an shay'in fatrukuh. Fa'alaykum bi tasdiqi ma akhbartukum anillah. والعمل بما بلغتكم أو ما بلغتكم إياه من الأوامر واجتناب ما نهيتكم عنه من المناهي والمحرمات هذا الذي يجب أن يهتم به المسلم أما أن يكثر الأسئلة ويتقاعس عن العمل فلا وحتى لو عمله فلا يكثر الأسئلة فلا يسأل إلا عن شيء يهمه وينفع المسلمين. Donc le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laissez-moi tant que je vous laisse. Et il dit, ça signifie ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire par là que si je vous ordonne quelque chose, appliquez-le. Et si je vous interdis quelque chose, alors abstenez-vous-en ou bien laissez tomber cette chose que je vous ai interdite et croyez en ce que je vous ai dit comme information venant d'Allah et mettez cela en application, c'est-à-dire mettez en application ce que je vous ai transmis, hein, des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et écartez-vous de ce que je vous ai interdit et de ce que j'ai mentionné comme faisant partie des interdictions et des choses illicites. Il dit ça, c'est ce qui est obligatoire pour le musulman. C'est de ça qu'il doit se préoccuper. C'est de ça dont il doit se préoccuper. Tandis que s'il passe son temps à poser beaucoup de questions et qu'il délaisse les œuvres et les bonnes actions et qu'il passe son temps uniquement à questionner, poser des questions tout le temps, hein? Donc, même s'il l'applique, même s'il pratique qu'est-ce qu'il apprend, malgré ça, il ne devrait pas poser trop de questions. Il dit parce qu'il ne devrait questionner qu'à propos des choses qui lui sont importantes et des choses qui sont bénéfiques et profitables pour les musulmans. Et ensuite, il continue, il explique, il dit, وقال صلى الله عليه وسلم إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فأنبياؤهم يبلغونهم ما يلزمهم من التشريعات فيسألون فيقعون فيما يهلكهم فكثرة الأسئلة قد تؤدي إلى الهلاك فهذه سنة الله في من سلفه فهذا يدل على خطورة الأسئلة وآثارها على الأمة. Donc le cheikh, il explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ensuite que les gens avant vous ont uniquement péri à cause de la quantité des questions qu'ils ont posées et à cause de la grande quantité de questions et aussi à cause de leur divergence avec leur prophète. Donc, il dit le cheikh que les prophètes de ces peuples qui nous ont précédés, hein, leur prophète leur avait transmis ce qui était obligatoire pour eux comme législation. Et eux, ils posaient des questions, ils posaient des questions, et ils sont donc tombés dans ce qui les amenait à leur perte. Donc la quantité de questions ou le grand nombre de questions pourrait amener quelqu'un à tomber justement dans la perdition, hein, et dans la perdition et dans le châtiment. Il dit ça, c'est une règle d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ceux qui nous ont précédés. Et ça, c'est quelque chose qui indique le danger de poser trop de questions et les effets, hein, que peuvent avoir les questionnements excessifs et exagérés, les gens qui posent trop de questions. Il y a des gens comme ça, hein, comme le cheikh il va l'expliquer, il y a des gens qui posent constamment des questions sur des sujets, il y en a qui sont hypothétiques, c'est-à-dire des choses qui ne sont même pas arrivées, des choses qui ne risquent pas non plus d'arriver probablement. Il y a des gens comme ça qui passent leur temps à imaginer des scénarios et posent des questions sur ces scénarios-là. Ils vont dire par exemple, qu'est-ce qui arrive si telle chose arrive? Ou qu'est-ce qui arrive si telle chose se produit? Ou si jamais il y a ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Hein? Et c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Il y en a qui se basent même sur des films pour poser des questions. Ils ont vu des choses dans un film ou dans une vidéo ou dans un truc imaginaire. Et puis ils disent, mais qu'est-ce qui arrive si on fait ça ou si on va là ou si on va là, hein? Si on va sur la lune, dans quelle direction il faut prier, hein? Des questions comme ça qui risquent pas d'arriver de toute façon. Yani, c'est qui est-ce qui va aller sur la lune de toute façon? Pourquoi tu poses cette question, hein? Subhanallah. Donc c'est ce genre d'attitude qui amène justement à la perdition et la destruction. Un peu comme les gens qui à l'époque de Moussa alayhi salam, quand Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de sacrifier une vache, hein, d'égorger une vache, et eux ils ont commencé à vouloir questionner encore plus par rapport à cette vache. Est-ce que c'est une vache de telle couleur? Est-ce que c'est une vache de telle catégorie, de telle grosseur, de telle forme, de telle, hein? De quelle race, de quelle espèce de vache? Et Allah subhanahu wa ta'ala les a punis pour ça, hein? Donc ça, c'est un exemple. Et après, le cheikh il explique, il dit amma fi waqtin. Donc le cheikh indique le danger qu'il y a dans le fait de poser trop de questions et les effets que cela peut avoir sur la umma. Il dit wa amma fi waqtir rasul sallallahu alayhi wa sallam fa min asbab man'i kathrat as-su'al annahu kana yakhsha an yunzal al-wahy aw an yanzal al-wahy wa yuhdith shay' من التشريع يشق على الأمة فيعجزون عنه كما سيأتي في الحديث في صلاة التراويح. وفي هذا المجال رد كثرة الأسئلة, يعني قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. يعني وأحاديث كثيرة جاءت يعني في القيام بالأوامر واجتناب النواهي والسكوت عما لم يشرعه الله تبارك وتعالى فإنه مما عفى الله عنه, كما قال ابن عباس وما سكت عنه فهو عفو. donc ici le cheikh il explique que يعني tandis qu'à l'époque du messager, sallallahu alayhi wa sallam, le fait que parmi les causes de l'empêchement ou du fait qu'il a été, il y a eu un empêchement ou une interdiction de poser trop de questions, et la raison de cette interdiction à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était par crainte que les questions les questions qui sont posées soient des causes qui fassent que justement les législations deviennent plus rigoureuses et plus dures pour les musulmans à cause de ça. Et que des choses soient légiférées qui rendent la religion plus difficile et que par la suite, justement, ils ne soient plus capables de le mettre en pratique à cause de la charge, hein, la grande charge que ça représente. Et ça, comme je disais tout à l'heure par rapport à l'exemple de Moussa alayhi salam, et comment Allah subhanahu wa ta'ala a puni Bani Israël, les fils d'Israël, il les a punis justement à cause de leur grande quantité de questions inutiles qu'ils posaient à leurs messagers. Et yani, le fait qu'ils posaient ces questions-là alors que ce n'était pas nécessaire, eh bien ça a fait en sorte que la religion est devenue de plus en plus difficile pour eux. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a compliqué et rendu la religion plus lourde et plus dure pour les punir, justement. Et ils n'ont pas été capables, justement, de la mettre en pratique par la suite. Et regardez les Juifs aujourd'hui, hein, après avoir, de façon obstinée, hein, refusé de vouloir accepter les messagers que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyés pour alléger les carcans et les fardeaux qui ont été mis sur leur cou à cause de leur transgression. Donc Isa alayhi salam est venu pour leur rendre licite des choses qui leur avaient été interdites à cause de leur transgression. Ils ont refusé de croire en lui. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aux Juifs et à toute l'humanité. Et les Juifs ont refusé, encore une fois, comme ils ont refusé de croire en Jésus, Isa, ils ont également refusé de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était venu justement lui aussi pour leur alléger la charge dans leur religion et leur rendre licite des choses qui leur avaient été interdites à cause de leur transgression. Et ils ont encore une fois refusé, hein, d'accepter la foi en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, ils sont restés sur cette religion qui en réalité, hein, dure pour eux à cause du fait que justement c'était des punitions, hein, pour eux. Et ils n'ont pas voulu prendre les miséricordes que Allah leur a envoyées par l'intermédiaire de ses messagers. Donc ils se sont obstinés à vouloir rester dans cette religion qui est beaucoup trop difficile pour eux. Et à la fin, de toute façon, ils ne l'ont pas plus appliqué malgré qu'ils sont obstinément accroché ou acharné à vouloir prétendre vouloir le suivre. Et la réalité, c'est que lorsqu'on regarde parmi les Juifs, quelle proportion d'entre eux continue réellement à suivre de façon rigoureuse les préceptes, hein, de leur livre, et ils sont une infime minorité parmi eux. Et yani, ceux qui le font, yani, ben, ils vivent en principe presque isolés de tout le monde et de toute chose. Et ils sont, yani, limités, hein, par rapport à ce qu'ils ont le droit de faire, des choses qui sont halal et qu'ils s'abstiennent de les faire parce que justement ils se rendent la religion très très dure pour eux. Sinon, la grande majorité des Juifs qui sont dans la mélangée avec la société, eh ben, on ne les reconnaît même pas parce que justement, ils n'ont aucun signe de religiosité ou de pratique religieuse. Yani, quand on les voit, on ne pourrait même pas savoir que ce sont des Juifs. D'accord ? Et c'est même une fois, je me rappelle, j'étais dans un magasin, j'ai rencontré une femme juive et elle disait à propos des Juifs orthodoxes, qui portait un habit qui les distinguait des autres, elle disait, « Ah, eux, c'est la honte. Hein? C'est la honte des Juifs. » En voulant dire qu'elle considérait que eux faisaient honte au reste des Juifs. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas du tout religieuse. D'accord. Donc c'est en tout cas, je suis allé un peu loin là, mais tout ça pour revenir à notre sujet et pour expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, il a justement fermé cette porte pour éviter justement que la Ummah tombe dans cet extrémisme et dans cette exagération dans la religion dans laquelle les fils d'Israël sont tombés auparavant, c'est-à-dire l'interdiction de poser trop de questions par rapport à la religion pour rendre des choses obligatoires qui n'étaient pas obligatoires à la base ou pour empêcher que des choses soient interdites alors que à la base elles sont licites. D'accord? Et c'est ce qu'il explique ici par rapport au Tarawih, la prière de Tarawih. Et il dit, on va mentionner cet exemple-là plus tard. Mais en ce qui concerne la question de poser, le sujet de poser trop de questions, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans Sourate Al-Ma'ida, le verset 101. Hein? Et le cheikh, il a cité ce verset-là dans Sourate Al-Ma'ida, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. Et si vous posez des questions à leur sujet pendant que le Coran est révélé, elles vous seront divulguées. Et Allah vous a pardonné cela. Et Allah est pardonneur et indulgent. Et le cheikh, il n'a pas cité l'autre verset qui suit, mais il est quand même relié au point qu'on explique. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. C'est-à-dire, un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leur fait des mécréants à cause de ça. Donc, c'est pour dire que le fait de poser excessivement des questions sur la religion, eh bien, ça peut amener des gens à la mécréance même, subhanallah. Et c'est ça le danger. Mais il y a des gens, ils n'apprennent pas. Ils posent des questions. Et des fois, par exemple, il y a certains frères, justement, qui ont cette mauvaise habitude. Ont cette mauvaise habitude de toujours vouloir poser des questions. On dirait qu'ils s'assoient comme ça, puis ils commencent à réfléchir à toutes sortes de questions qu'ils pourraient poser. Et quand ils ont l'occasion d'appeler un talib ilm ou un cheikh, et là, ils posent tout ce qui leur sort par la tête. Je me demandais, est-ce que ça c'est correct? Est-ce que ça c'est, je peux faire ça? Et puis tu vois que des fois c'est des questions vraiment, tu réalises que c'est des gens qui pensent trop. Hein? Tu dis ça c'est des gens qui pensent trop parce que ils se concentrent trop sur des petits détails, des choses de la religion et c'est des choses bizarres comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset. Hein? La tas'alu an ashiya in tubda lakum tasukum. Yani, si vous posez pas des questions que si elles vous ont, elles, si elles vous étaient divulguées, elles vous mécontenteraient. Et la preuve, c'est que ces gens-là, ils posent des questions sur des sujets, et souvent c'est sur des réalités ou sur des situations dans lesquelles ils sont, ou des situations qu'ils vivent, desquels ils ne peuvent pas se sortir de toute façon. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont pris dans cette situation-là jusqu'au cou et que yani, le fait que c'est des questions même qui les dépassent et qui dépassent tout le monde, parce que c'est des réalités de la vie qui dépendent pas de nous individuellement. D'accord? Donc, de les connaître ou d'essayer de savoir le verdict à leur sujet, ça ne va pas nécessairement faciliter les choses ou améliorer les choses pour cette personne-là, mais au contraire, juste rendre les choses plus compliquées ou plus difficiles. Et surtout quand tu vis dans des pays de kofr, yani, surtout quand tu vis dans des pays de kofr, puis que tu essaies de t'accrocher à ta religion, et si tu veux être rigoureux et vraiment comme suivre chaque point, chaque petit détail, eh bien, dis-toi que à la base, tu es dans un contexte qui est en contradiction même avec ta religion. Donc, tu ne peux pas espérer même être capable de pouvoir appliquer tout ça à la lettre et tout de mettre en pratique tout ce qui est ordonné par Allah. Et c'est pour cette raison que les ulama, ils ordonnent aux musulmans de partir de ce pays, d'aller dans des endroits où tu vas pouvoir appliquer ta religion de façon plus facile, de façon plus aisée, de façon plus... et tu vas être dans une société, dans un contexte social qui va être plus... à la base, qui est musulman, yani. Même s'il y a des péchés ou des choses qui se passent qui ne sont pas nécessairement correctes, mais il n'y a pas un pays parfait, mais au moins la société, de façon générale, son fondement, c'est l'islam. Contrairement aux sociétés de kufr, dont le fondement est le kufr et le shirk. Hein? Et toi, tu vis dans ça en espérant que tu vas être capable de t'accrocher à ta religion. Alors que si jamais tu as un problème avec le système, un problème avec la loi, un problème avec ta famille, tu dois avoir recours à quoi que ce soit ou même si tu meurs, hein, même si tu meurs, ou si quelqu'un de ta famille meurt, tu pourras même pas te faire enterrer d'une manière islamique. La façon dont on va t'enterrer, c'est une façon qui est contraire à l'islam. Donc toi, tu vis dans ce contexte-là, hein, puis tu espères que tu vas pouvoir appliquer ta religion. Si tu meurs dans un pays musulman, on t'enterre. Et c'est la norme, la règle, c'est-à-dire en principe, on va t'enterrer islamiquement. Tandis que tu meurs dans un pays de kufr, t'es obligé de te faire transférer dans un cercueil, on le prend dans l'avion pour aller te faire enterrer là-bas. Ça, c'est si tu es originaire d'un de ces pays-là. Hein? Et bien entendu, ce n'est pas gratuit tout ça. Donc, tout ça pour dire, pas poser des questions pour rien. Hein? Pose des questions concrètes et fais les choses étape par étape. Tu veux être dans un pays musulman, tu veux faire ta hijra, fais ta hijra. Il y en a qui posent des questions à propos de la hijra. Mais si je fais ça, est-ce qu'il va avoir ça? Et si je fais ça, est-ce qu'il va avoir ça? Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire ça? Et ils s'imaginent plein de scénarios à propos de la hijra, comment ça va se passer. On ne sait pas comment ça va se passer. Il faut que tu y ailles. Hein? Il faut que tu partes. Une fois que tu vas être là-bas, les choses vont se présenter devant toi et ce sera un test de plus pour toi. Comment tu vas gérer ces choses-là? Eh bien, tu ne peux pas tout prévoir à l'avance. Exactement au petit détail, comment ça va se passer. Hein? Il y a des choses dans la vie, il faut juste aller avec. Et c'est ça que des fois, on oublie l'aspect de tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah. Quand Youssouf alayhi salam est parti, il s'est fait enlever par ses frères, il n'avait pas calculé qu'est-ce qui va m'arriver. Qu'est-ce que je vais faire? Il ne le savait pas. Mais au fur et à mesure, les choses se sont produites. Et lui, il a essayé d'agir selon le commandement d'Allah dans chaque situation. Hein? La même chose pour les prophètes, les autres prophètes. La même chose pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On essaie de planifier les choses, d'organiser des choses. Ça ne veut pas dire qu'on part les yeux fermés. Mais en même temps, est-ce qu'on peut prévoir tout parfait, de façon... sans aucune surprise ou sans aucune situation qui va nous surprendre ou qui va être difficile, est-ce qu'on peut éviter tout? Non, on ne peut pas. Il y aura toujours des choses qui vont se produire, qui vont être en dehors de ce qu'on a planifié. Il faut être prêt à ça. C'est-à-dire, il faut se préparer à ça. Et quand des choses comme ça vont se produire, demander l'aide d'Allah et mettre sa confiance en Allah. Et c'est dans des situations comme ça que c'est là que se manifeste la réalité de la foi d'une personne et c'est là que se manifeste aussi justement sa sincérité et c'est dans ces épreuves-là qu'on laisse paraître la réalité de qui on est, de ce qu'on est réellement. Ensuite, le cheikh, il explique donc que il y a de nombreux hadiths qui mentionnent l'obligation de faire ce qui est ordonné et de s'écarter de ce qui est interdit et de se taire à propos des choses sur lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas légiféré. Et du fait que si Allah subhanahu wa ta'ala n'en a pas parlé, hein, eh bien c'est une grâce qu'il nous a fait. Il nous a épargné de ça. Il nous a épargné de cette chose. Donc, ne cherchez pas à son sujet. Donc, c'est comme c'est mentionné dans certains hadiths, Allah subhanahu wa ta'ala, il a clarifié pour nous ce qui est halal, hein, ou ce qui est obligatoire. Vous le faites. Il nous a expliqué ce qui est haram et ce qu'on doit délaisser. Donc, ce qui est ordonné, on le fait. Ce qui est interdit, on le laisse. Et s'il y a des choses sur lesquelles on ne sait pas, où il n'y a pas eu ni d'ordre ni d'interdiction à leur sujet, eh bien, Allah il nous a épargné de cette chose-là. Allah subhanahu wa ta'ala nous a épargné de cette chose-là. Et comme c'est mentionné dans la parole d'Abdullah ibn Abbas, il a dit « وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفُونَ » Abdullah ibn Abbas, il dit « رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » Il dit « Et ce sur quoi Allah s'est tu, alors c'est une, hein, c'est un pardon, une grâce pour vous. » D'accord ? Et yani, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il n'a pas mentionné quelque chose, ce n'est pas par oubli, c'est pas par oubli. Hein, c'est par miséricorde pour sa umma. Wasakata an ashiya, comme c'est mentionné dans un hadith. Wasakata an ashiya rahmatan bikum ghayra nisyanin. Hein? Fala tas'alu anha. Comme c'est mentionné dans un autre hadith. Et il s'est tué à propos de certaines choses. Par miséricorde pour vous, non par oubli. Hein? Alors ne demandez pas à leur sujet. Et le cheikh, il dit dans la suite, il dit وَكَرَاهَةُ الْأَسْئِلَةِ أَوْ تَحْرِيمُهَا لَيْسَتْ مَقْصُورَةً عَلَى عَهْدِ الصَّحَابَةِ بَلْ قَدْ يَكُونُ السُّؤَالُ لِلْتَعَنُّتِ وَالْجِدَالِ وَالْمُخَاصَمَةِ وَإِثَارَةِ الْفِتَنِ بَيْنَ النَّاسِ فَهَذِهِ الْأَسْئِلَةِ مُحَرَّمَةٌ لَا تَجُوزُ لأن المسلم يجب أن يسعى فيما ينفع نفسه ويصلح حاله ويسعى فيما يصلح المسلمين وأحوالهم ولا يسعى فيما يثير المشاكل والفتن فيما بينهم وقد كثرت الأسئلة في هذا العصر لا سيما بواسطة هذه الوسائل كالهواتف والمواقع وغيرها وكثير منها يضر وقد يكون هناك إنسان صادق بحاجة شديدة إلى معرفة حكم الله في المسألة أو معرفة عقيدة يجهلها أو ما شابه ذلك ولكن الكثير منها إنما القصد منه إثارة الفتن والتعنت والأغلطات وهي المسائل الشداد التي تضر ولا تنفع وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها وقد يكون كثير من الصحابة لا يجيبون عن الأسئلة خاصة التي لم تقع فإن وقعت يجيبون وكانوا يعني يزجرون السائل عن الحوادث التي لم تقع ومنهم عبد الله بن ومنهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعمار وغيرهم رضي الله عنهم إن يزجرون أو يزجرون عن السؤال عن شيء لا يحتاج إليه لما في ذلك من المضرة والمشقة والكلفة في شيء قد لا ينفع وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نهى عن ثلاث أو أنه نهى عن ثلاث وقيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. يعني donc le cheikh il explique que le fait que les questions, nombreuses questions soient détestables ou interdites, ce n'est pas quelque chose qui se limite à l'époque des Sahaba, mais yani, ça peut même être, yani, par exemple, le fait que des questions, c'est possible que quelqu'un pose des questions juste pour embarrasser les gens, hein, juste pour débattre. Hein. Il veut disputer, il veut faire de la fitna entre les gens. Donc il pose des questions tout le temps dans ce sens-là. Donc dans ce cas-là, ça devient quelque chose d'interdit. Donc ça, yani, c'est pas permis. Le cheikh dit, c'est des questions, ça c'est interdit, ça ce n'est pas permis de poser des questions dans ce sens-là. Il y a des gens qui font ça. Ils posent des questions juste pour embarrasser les gens ou juste pour montrer se montrer. Hein? Il y en a qui posent des questions juste pour se montrer, pour montrer qu'ils sont au courant de quelque chose. Ils veulent se vanter d'une certaine façon. Hein? Donc, ils parlent d'un sujet pour montrer qu'ils sont au courant de ce sujet-là. Ils vont poser la question, même si ils savent, soit ils savent déjà la réponse, ou ils ne comprennent même pas le sujet, mais ils font juste poser la question, pas pour comprendre, juste pour, hein, juste pour faire parler. Hein, juste pour faire parler. Donc, pour être intéressant, comme on dit. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est pas correct. Et le cheikh, il dit que le musulman, c'est obligatoire pour lui de faire des efforts pour connaître ce qui est bénéfique pour lui et ce qui va être une source de bien pour lui, qui va réformer son état et le rendre meilleur. Et il fait des efforts donc pour essayer d'améliorer son sort, d'améliorer le sort de la Ummah, des musulmans et leur état. Il ne va pas faire des efforts pour propager des problèmes ou pour relever des problèmes, des difficultés, des troubles, des fitanes entre les musulmans. Parce que c'est ce qui peut arriver justement du fait qu'on pose trop de questions à notre époque. Hein. En particulier avec les nouveaux moyens de communication comme les téléphones, l'Internet et d'autres. Il y en a beaucoup de ces questions-là sont nuisibles en réalité. Et l'autre jour, il y a un frère qui m'a envoyé une réponse de Cheikh Ibn Uthaymeen, mashallah. Hein? J'étais vraiment ébloui par cette réponse parce que j'avais jamais entendu ce genre de réponse de la part de Cheikh Ibn Uthaymeen. Et ça m'a vraiment marqué. Et dans cette question qui a été posée au cheikh et dans sa réponse surtout, il y a une éducation pour les musulmans. D'accord? La personne a posé la question à propos d'un péché qu'elle a fait et elle a décrit le péché et elle a été vraiment explicite dans la description de ce péché-là. Et le cheikh, il a dit, je vais punir la personne qui a posé cette question en le privant de réponse. Il dit parce que les gens, ils doivent apprendre qu'on ne peut pas justement exposer ou dévoiler ou décrire les détails d'un péché qu'on a commis de cette façon. C'est un manque d'éducation, un manque de manière, un manque de respect de parler de cette façon-là, aussi explicitement de ces péchés-là. Et donc, il a expliqué dans sa réponse qu'il ne va pas répondre à ce genre de questions et que la personne qui a posé cette question, elle devait avoir honte de poser cette question de cette manière. Or, j'ai des fois, même dans le passé, il y a plusieurs années, quand j'ai commencé avec le site Salafi de Montréal et que j'avais mis une adresse justement pour que des gens puissent envoyer des commentaires ou des questions ou des choses comme ça. Et j'avais expliqué que je n'allais pas donner de fatwa là, dans cette adresse-là, mais que si j'étais capable de clarifier certains sujets par rapport à des questions qui sont reliées à des cours, que j'allais essayer de répondre selon ma capacité, yani, subhanallah. Mais les exemples de certains mails que j'ai reçus à cette époque-là, des questions, mais subhanallah, yani, c'est des questions, une en particulier, mais c'est des questions que quand tu la lis, tu as envie de vomir seulement. juste à lire la question. C'était tellement obscène et dégoûtant que par la suite, après ce mail, j'ai fermé la boîte mail. Maintenant, depuis toutes ces années-là, je suis jamais retourné même dans cette adresse pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme message. Et à cause de ça, à cause de ce genre de questions que des gens posent, j'ai préféré fermer ça complètement, la porte. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il a le culot pour poser ce genre de questions, d'écrire ses péchés de façon obscène comme ça, aussi dégoûtante que ça, dans ce cas-là, à quoi ça sert? Hein? À quoi ça sert de laisser cette porte ouverte? Ça y est, c'est fini après. J'ai dit non, je n'ai pas besoin de ce genre de gens qui ont aucun respect, ils ne savent pas comment vivre. Donc, ça, c'est un exemple aussi. Comment tu vas poser les questions et pourquoi tu poses ta question? C'est quoi ton intention quand tu poses cette question? Avant de poser la question, demande-toi à toi-même pourquoi j'ai besoin de poser cette question-là. Et parfois aussi, même avant de poser la question, demande-toi à toi-même est-ce que tu n'es pas capable d'y répondre par toi-même, avec la connaissance que tu as. Parfois, les gens, ils posent des questions et ils savent déjà la réponse. Même des fois, la réponse est dans la question. Tu dis, mais pourquoi tu poses la question? La réponse est dans la question elle-même. Tu vois clairement que la personne, elle le sait déjà. Elle pose la question pourquoi? Allahu a'lam. Hein? C'est comme la personne, elle sait que quelque chose est haram. Elle demande est-ce que c'est haram? Mais tu sais déjà que c'est haram. Pourquoi tu me demandes si c'est haram? Hein? Tu espères quoi? Que je vais te le rendre halal pour te faire plaisir? Hein? Que je vais te faire un spécial? C'est pas en notre pouvoir. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut pas interdire ce que Allah a permis. Il ne peut pas permettre ce que Allah a interdit. Hein? Il ne peut pas changer rien de la révélation d'Allah. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit, il y a des gens qui veulent justement avec comme il dit, avec les nouveaux moyens de communication, le téléphone, Internet, tout ça, il dit, il pose des questions qui sont nuisibles. Et il dit, il y a des gens qui sont sincères, qui ont besoin sérieux de connaissance, d'un jugement ou d'un verdict, hein, le jugement d'Allah à propos d'une question en particulier, ou de connaître une croyance par rapport à la aqida, quelque chose qu'il ignore, il veut la comprendre, il veut la connaître, ou des choses semblables. Il dit, mais ça, il y en a des cas comme ça, des gens qui veulent vraiment savoir parce qu'ils en ont besoin. Parce qu'ils ont besoin de connaissances, parce qu'ils ignorent certaines choses, ils veulent comprendre, ils veulent avoir la science. Ça existe. Mais il dit, mais une grande partie des questions, il dit, le but dedans, c'est seulement de faire la fitna, hein, et de faire des histoires, hein, et disputer. Et je me rappelle, il y a plusieurs années en arrière, il y a des gens qui appelaient, certes, ils appelaient même des ulama, subhanallah, pour leur poser des questions, pas pour apprendre, pas pour connaître, juste pour embêter les ulama. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent des ulama, ils les enregistrent et ils leur posent des questions parmi les questions les plus bêtes, les plus embarrassantes. Pourquoi? Juste pour les embêter. Est-ce que des gens, ils n'ont pas la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala pour aller aussi bas que d'agir de cette façon-là? Tu veux embêter les ulama? Hein? Tu veux déranger les ulama? Offenser les ulama? À cause de ce genre de comportement, à cause de ce genre d'attitude, eh bien après, c'est plus difficile d'avoir la ligne. Quand on appelle des shuyukh, hein? Quand des gens ont agi de cette manière-là, et que les ulama ils voient, ah, regardez comment ces gens-là ils agissent. Ils appellent pour embêter les gens seulement. Alors si c'est comme ça, on ne va plus répondre. Beaucoup de cas comme ça, on a vu. Hein? De ulama, ils refusaient même de répondre à certaines personnes. Et quand ils voyaient que dans certains pays, y a des gens qui font que poser des questions sur des fitanes ou sur des problèmes comme ça, ou vouloir faire la fitna par des questions. Eh bien, à un moment donné, certains, même on a entendu, des gens de tel pays, hein, quand ils appellent, moi je réponds pas. Pourquoi? Parce qu'ils font, ils font, ils agissent, ils ont cette attitude, ils ont ce comportement. Pourquoi? Parce que ça devient une, c'est quelque chose qui est comme une manifestation. Et Allahu a'lam, qui est-ce qui est derrière ces gens-là en fait? Peut-être même c'est des gens qui sont payés pour faire ça, hein, des munafiqin. Ou même des fois c'est des koufars, on ne sait pas. Surtout parfois dans les réseaux sociaux, tu ne peux pas savoir qui est-ce qui écrit derrière les pseudonymes, hein, derrière les faux noms que les gens ils se donnent, posent des questions juste pour embarrasser ou embêter les gens. Hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les ulama ils répondent pas. Quand ils voient que quelqu'un il pose des questions, que ça sent mauvais cette question, hein, quand la question elle sent mauvais, quand l'intention qui est derrière, ça inspire pas la sincérité, ils ne répondent pas à des gens comme ça. Hein. Et ça fait partie du comportement des ulama et des salafs, c'est comme ça qu'ils faisaient avec les gens. Donc il y en a qui sont fâchés. Comment ça, le cheikh, il m'a pas répondu? J'ai posé la question, il est obligé de me répondre. Comment ça, il est obligé de te répondre? Hein? Subhanallah, ça c'est un privilège. Yani, si il voit que yani, tu n'as pas le respect et l'attitude nécessaire quand tu veux la science et que tu n'adoptes pas les manières nécessaires justement quand tu veux chercher la science, eh bien, yani, tu es privé. Hein, t'es privé de la science à cause de ton comportement qui est mauvais. Allah le musta'an. Mais les gens ils ont pas compris beaucoup de ces questions-là. Beaucoup de jeunes ils ont pas compris ces questions-là parce que ils ont pas compris qu'est-ce que signifiait le comportement, l'éducation. Ils ont pas compris encore ces choses-là. Beaucoup de gens ils pensent que ils pensent que la religion, c'est comme les mathématiques. Hein? Les mathématiques, c'est pas une ibada. Hein? Et ils pensent que c'est la même chose pour la science de la religion. Ils pensent que c'est comme les maths. Hein? Tu étudies, tu es intelligent, tu vas passer. Mais il y a le cœur aussi qui vient en ligne de compte. La sincérité. Yani, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais pour Allah. La dévotion que tu dois avoir envers Allah. Tout ça, c'est pas des mathématiques seulement. C'est pas 1 plus 1 égale 2. Il y a d'autres aspects qui sont reliés à l'affaire. Donc le cheikh, il explique et il dit. Donc, beaucoup de questions qui sont posées maintenant, c'est juste pour faire de la fitna, pour faire des disputes, hein, pour induire les gens en erreur. Et il dit, il y a des questions qui sont extrêmement dures, des questions qui sont difficiles, des sujets qui sont très, très sérieux et graves, des sujets graves, que si tu les amènes, ces sujets-là, c'est quelque chose qui vont être même nuisibles pour toi, non bénéfiques. Hein? Et eux, ils les ramènent, ces questions-là, ils en parlent. Hein? Tu vois, des fois, c'est des jeunes, des questions que c'est, hein, comme, c'est qui disait ça parmi les salafs? Il dit, des fois, vous ramenez des questions. À l'époque de Omar, ils réunissaient yani, les gens de Badr. Les Sahaba qui ont participé à Badr pour essayer d'en discuter pour trouver le hukm à son sujet. C'est-à-dire que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, le khalifa, à son époque, qu'il était khalifa, et avec la science qu'il possède, il ne fait pas la fatwa, il ne fait pas le hukm lui-même, il réunit les sahaba qui ont participé à Badr, qui sont encore vivants, pour s'asseoir avec eux, pour les consulter, pour savoir leur point de vue, pour avoir les, s'ils savent une science ou un hadith ou quelque chose sur le sujet, pour arriver à connaître le hukm de ce sujet-là. Il ne va pas faire sa fatwa toute seule, de lui-même. Même s'il a peut-être une opinion, mais il veut se rassurer, il veut être certain. Hein? Aujourd'hui, des jeunes, ils osent même parler de ces questions-là et juger dans ces questions-là, et ils en parlent comme s'ils avaient tout compris. Ils parlent de ces questions-là comme s'ils avaient tout compris. Et pourtant, ces dix gens, ils n'ont pas étudié. Ils n'ont jamais étudié. Ils ne se sont jamais assis avec les ulama. Ils n'ont jamais étudié avec les ulama. Mais ils pensent qu'ils ont tout compris parce qu'ils ont lu des trucs sur Internet, traduits en français, hein, traduits en anglais. Tel cheikh a dit. Et il ne sait rien. Il fait juste répéter des choses qu'il pense qu'il a compris. Ça, c'est dangereux. Yani, subhanallah, les gens ne réalisent pas. Donc ensuite, le cheikh, il dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ce genre de choses. Hein? Et il dit, وَقَدْ كَانَ كَثِيرٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ لَا يُجِيبُونَ عَنِ الْأَسْئِلَةِ. Il dit, beaucoup des sahaba, quand on leur posait des questions, ils ne répondaient pas. En particulier des sujets sur des questions sur des sujets qui ne s'étaient pas encore produits, des choses qui ne sont pas arrivées, ils répondaient pas. Et quand les choses arrivaient, là ils répondaient. Et même que ils réprimandaient, hein, les gens qui posaient des questions sur des choses qui ne s'étaient pas produites encore. Hein? Il réprimandait les gens qui posaient des questions sur des sujets qui n'étaient pas utiles, des choses que les gens n'en avaient pas besoin. Hein? Parce que c'est des questions dans lesquelles il y a de l'embarras, de la difficulté, hein? Des charges qui sont rajoutées sur les musulmans qui ne sont pas bénéfiques pour eux. Pourquoi tu veux poser des questions sur ça? Subhanallah. Hein? Et il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ou bien plutôt que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit trois choses. Qil wa qal wa kathrat al-su'al wa ida'at al-mal. Qil wa qal, c'est-à-dire un tel a dit et l'autre a dit, lui a dit que, l'autre a dit que, l'autre a dit que, hein? C'est ça qu'il wa qal. Wa kathrat al-su'al, le poser trop de questions. Wa ida'at al-mal, et de gaspiller l'argent. Gaspillage. Ça c'est interdit. Il dit fa hadhihi tarbiyatun lil umma. Tarbiyatun lil umma. يجب أن يتعلم القرآن والسنة ويتفقه فيهما ويكون همه أن يكون اعتقاده صحيحا وأن يكون عمله صالحا منبثقا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيكون همه القول النافع والعمل الصالح لا يكون همه القيل والقال وكثرة السؤال وكثرة الجدال قال الحسن رحمه الله شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل ويغمون بها عباد الله هؤلاء شرار الناس في نظر الحسن وهم كذلك وقال الأوزاعي رحمه الله إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه الأغاليط فقد رأيتهم أقل الناس علما الأسئلة الشداد التي قد لا يجيب عنها العالم يعجز عنها فهؤلاء محرومون من بركة العلم لأن هذا همهم وهذا يوجد عند كثير من الناس. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يكون همه التفقه في دين الله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعلم النافع والعمل الصالح، ويستعين في ذلك بكتب التفسير السلفي، ويستعين بشروح الحديث لأعلام السنة. وإذا أشكل عليه أمر في نص لم يفهمه عندئذ يسأل، وإذا ما أتى إلى مسألة نزلت به لا بد أن يسأل عنها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن يكون أن يكون كثير الأسئلة فيما لا يحتاج إليه وفيما لا لم يقع وفيما يضر بالناس، فهذا أمر مذموم، وكما قال الحسن يكون صاحبه من شرار خلق الله عز وجل. Donc ici le cheikh il dit ça c'est l'éducation de la umma. Le croyant, il est obligatoire pour lui d'apprendre le Coran et la Sunna et de chercher la compréhension du Coran et de la Sunna, et ce qui le préoccupe doit être de vouloir avoir la bonne croyance, la croyance authentique, et également que ses œuvres soient bonnes, en accord avec la Sunna, tirées du Coran et de la Sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui doit le préoccuper, c'est d'avoir une parole qui est bénéfique et des bonnes œuvres, et non pas de rentrer dans les ragots, un tel a dit, l'autre a dit, de poser trop de questions et de vouloir débattre tout le temps. Il y a des gens comme ça, ils sont malades. Toujours ils veulent débattre. Chaque sujet avec eux est un sujet de débat. Un débat incessant et sans arrêt et constant. Chaque fois, ils sont avec des frères, ils s'assoient quelque part, ils commencent à discuter sur le sujet et ils rentrent dans des débats ensemble. Hein? Non, c'est pas ça. Et le hadith qui est comme ça et comme ça. Et souvent, les gens qui sont comme ça, c'est les gens les plus ignorants. Les plus ignorants, c'est eux qui passent leur temps à débattre tout le temps et à argumenter sur la religion. Tout le temps, sans arrêt. Pour rien. Alors qu'ils ne savent pas. Si tu ne sais pas, dis « je ne sais pas ». Tais-toi. Hein? Si quelqu'un veut débattre avec toi, toi, tu n'es pas d'accord avec lui, mais tu n'as pas de preuve. Et lui, il n'a pas de preuve. Alors pourquoi vous débattez? Hein? Dites, je me tais. Hein? Et on va poser la question à celui qui sait. Hein? Moi, je ne sais pas. Je vais poser la question à celui qui sait. En attendant, ferme ta bouche. Tais-toi. Cesse de parler. Et arrête de débattre. Hein? Ce genre d'attitude-là, ça n'amène rien de bon. Au contraire même, ça ramène que des péchés. Et même que ça ramène, ça peut même faire tomber des gens dans le coffre. À parler à propos d'Allah sans science, à dire à propos de l'islam des choses qui sont contraires à la vérité, affirmer des choses qui sont niées ou nier des choses qui sont affirmées, c'est très très dangereux. Hein? Mais les gens ils réalisent pas. Les gens ne réalisent pas la gravité de cette attitude qui est détestable et très mauvaise. Et malheureusement, beaucoup de jeunes, ils ont cette caractéristique-là, ils ne comprennent pas. Et il y en a qui sont têtus et ils n'apprennent pas malheureusement, même si on leur répète. Hein, combien de fois il y en a des gens, malheureusement, ils sont comme ça, ils sont malades. Ils ont une maladie dans le cœur à propos de de ces questions-là. Et ici, le cheikh, il dit que Al-Hassan, c'est un des imams des salaf, Al-Hassan al-Basri. Il dit, rahimahullah, les pires parmi les serviteurs d'Allah sont ceux qui suivent les pires questions, les mauvaises questions, et ils veulent les propager parmi les musulmans et embêter les musulmans avec ces questions-là. Il y a des gens comme ça. Ils rentrent dans des sujets de fitna, des sujets de divergence ou des sujets qui sont des sujets très très pointilleux, difficiles, et eux ils rentrent là-dedans et ils cherchent même à connaître ces questions-là, les questions les plus dures, les plus graves. Il dit même c'est des questions, même les ulama, on leur pose la question, ils sont pas capables de répondre. Hein, ils disent Allahu a'lam, je ne sais pas. Mais non, eux, ils se privent, ils s'arrêtent pas, ils s'abstiennent pas, eux, ils en parlent. Hein. Je leur dis non, tel cheikh, on lui a posé la question, il a dit Allahu a'lam, il ne savait pas. Hein? Le cheikh, il a dit ça, pourtant c'est simple. Comment ça, le cheikh, il ne sait pas la réponse? Oh, a'oudhu billah. A'oudhu billah. Donc, le Hassan al-Basri, rahimahullah, il dit ça, c'est les pires hein, personnes. Et il cite également une parole de l'imam al-Awza'i, rahimahullah, l'imam du Sham, à l'époque de l'imam Malik, c'était le cheikh de la région de Sham. L'imam al-Awza'i, un des grands imams de la religion. Il dit, lorsque Allah veut priver un serviteur de la bénédiction de la science, il jette sur sa langue les questions difficiles, les grandes questions difficiles comme ça. Et il dit, j'ai trouvé que ces gens-là sont les gens qui ont le moins de science. J'ai vu que ces gens-là sont les gens qui ont le moins de science. Les questions qui sont difficiles, qui sont graves, que les savants eux-mêmes, ils sont incapables de répondre à leur sujet, eux, ils rentrent là-dedans. C'est là-dedans qu'ils vont en premier. Hein? Il dit, le cheikh, ils sont privés de la bénédiction de la science, ces gens-là. Parce que c'est juste ça leur intérêt. Ils pensent que à ça. Et il dit, on trouve cette caractéristique chez beaucoup de gens, malheureusement. Donc, le musulman, il doit se préserver d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il doit se préoccuper de rechercher la compréhension de la religion d'Allah, du livre d'Allah et de la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avec la science qui est bénéfique, avec les œuvres qui sont hein, des œuvres de piété, et chercher l'aide d'Allah, subhanahu wa ta'ala, dans cela, en s'aidant des livres de tafsir, des salafs, et en s'aidant également des livres qui expliquent les hadiths, hein, par les livres, les shuruh des hadiths par les grands imams de la sunna. Et lorsque quelque chose est compliqué pour lui ou un texte qu'il n'a pas compris, à ce moment-là, il pose la question. Tu as lu le hadith, tu ne l'as pas compris, tu demandes la compréhension. Une question qui se présente sur un sujet dont tu as besoin de savoir son verdict, alors oui, dans ce cas-là, tu poses la question. Allah subhanahu wa ta'ala il dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Posez la question aux gens du rappel, aux gens de la science, hein, si vous ne savez pas. Mais par contre, de poser beaucoup de questions sur des choses dont tu n'as pas besoin et des choses sur des sujets, des choses sur des questions qui ne se sont même pas encore produites dans la réalité, dans la vie, eh bien ça, il dit, ça n'amène que du mal aux gens. Et ça, c'est quelque chose qui est blâmable. Comme l'a dit Al-Hassan al-Basri, il a dit, ça, c'est les pires créatures d'Allah, ceux qui agissent comme ça. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, on continuera la suite de ce hadith au prochain cours. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Et c'est un sujet qui est intéressant et qui est important. Puis il y a beaucoup de leçons à tirer de ça.